Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien, ravi de vous retrouver une fois de plus pour ces deux heures de décrassage auditif. Bref, du métal en fusion. Bref, que du bonheur pour vos oreilles. Donc, ce soir, comme d'habitude, qu'est-ce qui nous attend? Un petit survol de tous les genres et sous-genres, donc qui composent aussi musicales préférées, bien sûr, puis des nouveautés qui seront au nombre de 4, à peu près, comme chaque semaine d'ailleurs. Et aussi ce soir, je vais être en mesure de vous présenter la première partie de l'interview que j'avais eu la chance de faire avec le groupe King Crown lors du Creekfest. Ça, c'était donc le mois dernier. Et bien voilà, vous êtes prêts, vous êtes bien installés. Et bien, on va commencer avec ce qui était une des nouveautés de la semaine dernière et qui est un des gros coups de cœur de ce printemps. C'est le premier album des Strasbourgeois de Yojimbo, cet album qui s'appelle Cycle. Donc, mélange de stoner rock à sonorité fuzz, un peu progressive, par moments psychédélique et vraiment, que j'apprécie vraiment beaucoup. J'espère qu'il en est de même pour vous. Et bien, ce soir, on va commencer l'émission avec Doomsday Clock. No! Quercol. Et ouais, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas passé l'extrait du troisième album de Quercol, Twilight of the Mortals. Et bien cet instrumental, c'est donc celui-ci qui donne son titre à l'album. Juste avant, ben, Yojimbo avec son premier album Cycles, et c'était Doomsday Clock donc, qui ouvrait donc l'émission. On va se faire la première nouveauté de la soirée avec une très grosse sortie. Le nouvel album de Ghost donc qui s'appelle Skeletta, qui est sorti là le 25 avril le dernier, que j'ai reçu il y a quoi, une semaine à tout casser. Donc Ghost qui continue son petit bonhomme de chemin et à chaque fois qui monte toujours un peu plus haut, puisque maintenant il arrive à remplir des salles comme Bercy, enfin pardon, l'Accor Arena Hotel, où il jouera donc la semaine prochaine, où il présentera son album. Alors je vais pas vous refaire l'histoire, je vais pas vous raconter ce qu'on... Je sais que beaucoup de gens adorent, d'autres moins, en parlant de Ghost. Toujours est-il que musicalement, c'est très bien fait, c'est propre, il n'y avait rien à redire, c'est du très beau boulot. Personnellement, j'arrive pas à accrocher plus que ça. Ça a une impression déjà entendue, ça c'est... Pour moi, c'est évident. Ça s'écoute agréablement, sans que j'en retienne quoi que ce soit. Pourtant, je peux vous dire que je vais essayer de me forcer à écouter ce nouvel album, parce que j'entendais des critiques dithyrambiques. Peut-être que c'est un peu différent des précédents. Et c'est différent sans l'être tout à fait. Enfin, toujours est-il que, bon, enfin, voilà. Je suis pas là pour dire du mal ou quoi que ce soit, ou mes états d'âme. On va découvrir tout de suite avec, je crois que c'est le dernier single qui s'appelle Satanized. Late Night Street Fight, ça c'était extrait du dernier album de Blue Oyster Cult, sorti l'année dernière, qui s'appelle Ghost Stories. Un album constitué en fait d'anciens morceaux retravaillés avec les musiciens actuels, quoique pas toujours. Bref, normalement, qui est censé être un album testament. Juste avant Blue Oyster Cult, c'était donc la première nouveauté de la soirée, avec le très attendu nouvel album Ghost Skeletta. C'était donc Satan Eyes, et Ghost sera donc en concert à l'Accor Arena Hotel, excusez du peu, mardi prochain. Eh bien tiens, maintenant revenons un peu à du local que je vous ai présenté la semaine dernière, le groupe The Sound Comet, groupe français de rock alternative basé à Blois, qui a donc sorti son deuxième EP intitulé A Billion Futures. Et EP qui, je vous rappelle, a été, tiens, pour la petite histoire, mixé par Romain Clément, guitariste d'Orpheum Black. Voilà, ça méritait d'être précisé. Un petit extrait donc de ce EP, c'est Sorry Friends. We'll be right back. ça fait du bien, ça donne envie de bouger. C'est clair que c'est un groupe à voir dans un club, génial. Cutting Corners, donc groupe de Dijon qui vient de sortir donc son premier album, Trampoline Park, c'était Yellow Pillow. Et ça aussi, c'était une des nouveautés de la semaine dernière. Juste avant donc The Sound Comet, avec Sorry Friends, extrait donc de leur dernier EP, A Billion Futures. Et bien maintenant, on va passer à quelque chose de plus curieux, un petit peu de curiosité pour Electric Shock et pour beaucoup d'entre vous, j'imagine. C'est le nouvel album de Def Heaven, Lonely People with Power, déjà sorti il y a quelques semaines, donc mélange de black metal, de shoegaze, de post-rock, comme je vous le dis à chaque fois, un mélange a priori peu digeste et pourtant qui fait quelque chose de très original et vraiment très intéressant. Même si vous n'êtes pas fan des styles en question, je pense que quelque part ça peut vous interpeller. On va vous passer un morceau assez trompeur sur le début qui s'appelle Amethyst. Améthyste, extrait de l'album Lonely People with Power de Def Heaven. Vraiment un groupe que je pense à découvrir. Voilà. Eh bien, maintenant, il est 19h37 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et oui, c'est toujours Electric Shock. Et Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Comme je vous le disais tout à l'heure, juste au tout début d'émission. Eh bien, maintenant, on va aller faire un petit tour du côté de Cléry-Saint-André. Et on va faire un petit bond dans le temps, puisque c'était le 5 avril dernier, lors de la 4e édition du Creekfest, où donc j'ai eu la chance aussi de faire une interview du groupe Stratagem, que je vous ai diffusé ces dernières semaines, ainsi que du groupe qui était tête d'affiche, King Crown, le groupe de l'ancien chanteur, donc de Nightmare. Donc voilà, on va vous présenter ça. Et croyez-moi, pour avoir discuté avec les gars avant, et vous allez vous en rendre compte pendant la diffusion de l'interview, et puis même pour avoir encore discuté après eux, c'est des joyeux de riz et un groupe vraiment qui mérite d'être, à mon avis, plus connu. Eh bien, si vous n'étiez pas au Creekfest et que vous ne connaissez pas King Crown, eh bien, c'est l'occasion peut-être de vous y intéresser un petit peu plus. Nous sommes au Creekfest pour la 4e édition. Là, je suis en compagnie du groupe King Crown au grand complet. Yeah, rock and roll. Ah, this is right. Oh, baby. Alors, question qu'on a dû jamais vous poser. Pouvez-vous nous raconter brièvement l'histoire du groupe ? L'histoire du groupe... À l'origine, c'est notre départ de Nightmare, David et moi, qui avons eu l'idée de... J'avais envie de continuer à jouer ensemble, faire de la musique. Et du coup, on a créé King Crown, qui s'appelait Oblivion au départ, et qu'on a dû changer... Non, on a pu changer pour des problèmes de justice d'appartement du nom. Oui, il y avait peut-être d'autres groupes qui s'appelaient comme ça. Oui, voilà, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, 35 groupes, je crois. Un millier de groupes à l'époque. Ça, quand maintenant choisir un nom de groupe, c'est d'être compliqué parce que. Oui, c'est vrai. Et on s'était un peu planté, je pense, à ce moment-là. C'est une. Je vends mon droit à l'image, attention. Ça va vous coûter très cher. Ça va te coûter très très cher. Donc tu as fondé King Crown. Et donc on a recherché des musiciens. Donc il y a eu une première mouture avec d'autres musiciens. Et donc le groupe actuel donc existe, les membres actuels existe depuis 2021. Enfin, les membres existent depuis toujours. Oui, c'est un groupe On a sauvé ce groupe, il faut dire. On a sauvé ce groupe, il était dans l'oubli. Ils ont inventé des vrais plaisirs. Ça va te faire des amis dans l'ancien line-up, Billy. Attention, ce sera diffusé. Donc vous avez déjà sorti plusieurs albums, je crois que Nova Atlantis c'est le troisième sous le nom King Crown. Voilà, 4 avec Oblivion. Et là, Nova Atlantis c'est le petit nouveau, il est sorti il y a quelques mois maintenant, fin d'année dernière. Oui, novembre. Oui, comme quoi moi j'ai bien travaillé moi aussi. Et quel retour en avez-vous eu? Globalement, on a été même assez surpris de la quantité de retours, mais plus qu'élogieux, que nous avons reçus, que ce soit pour des magazines français ou des magazines webzines, fanzines, etc., autant que des magazines internationaux. On a été extrêmement fiers et très surpris de tout cet engouement qu'il y a eu autour de ce nouvel album. Sincèrement, on a été surpris par tout monté. On s'y attendait. On sait qu'il a été déçu. Ils ont érigé une statue de son sexe en Pérou. Ouais. Oh. Pérou. Oui, c'était Pérou. D'ailleurs, dès qu'ils l'ont érigé, ils ont appelé parce qu'ils n'avaient pas trop de sortir le statut de son sexe. Ils n'avaient pas de grandeur de 4 cm. C'est un obélisque. De 4 cm d'eau. Que dis-je ? Que dis-je ? Bien sûr. J'ai déjà entendu ça quelque part. Naki. Non, c'est lui. Et la question, moi je te l'ai déjà posée, Bob. Oui, merci. est-ce un concept album? Ce qui m'a fait penser à ça, c'est que quand on regarde la pochette et tout le livret intérieur qui ressemble à... On parle d'Atlantis et tout ça. Ouais, c'est pas tout à fait un concept album, mais beaucoup de titres ont ce sujet-là, parlent de ce sujet-là, l'Atlantide, vu sur différents angles, donc notamment une vue un peu historique avec un duo entre Poséidon et un Atlantéen. Un Atlante, ouais, voilà. En anglais, on dit Atlantis. Et voilà, ça c'était pour une vue un peu historique, bon, imagée, hein, bien sûr. Mm-hmm. Après, donc il y a différents d'autres morceaux qui parlent de l'Atlantide indirectement, notamment Nova Atlantis. Il y a beaucoup de chansons qui ont un lien ou un rapport, enfin, quelque chose qui s'y rapproche. Quoi. Oui, plutôt qu'il y a Métropolis, ça pourrait. La création d'une ville, d'une société idyllique qui a sombré dans le. Et comment vous est venue l'idée en fait? Est-ce que vous avez. C'est parti de cette idée-là ou c'est venu un peu au fur et à mesure? En fait, la plupart du temps, chaque texte est écrit selon le ressenti de la musique en fait. Ben, c'est parti du titre en fait de notre oui. Nova. Oui, c'est vrai. On a choisi le titre et de là on a fait les textes. Donc c'est de là où est parti. Donc vous êtes dit qu'il y a plus ou moins l'idée de. Non, parce qu'il y a une historique à Nova Atlantis. Oui, et Nova Atlantis, ça devait être. Au niveau une grosse coïncidence au niveau de la mélodie principale. Exactement, c'est parti de la même mélodie. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, Nova Atlantis, ça devait être le titre du troisième album de Nightmare. À l'époque, non, je l'avais pas. Dans les années 80. Donc c'était le troisième album, il était torché, fini, terminé, et à ce moment-là, il n'est pas sorti. Et il y avait une chanson qui s'appelait Nova Atlantis. Et en fait, quand Seb a proposé une certaine mélodie sur Nova Atlantis, un titre, et ça nous a rappelé tout de suite, rappelé la mélodie d'une chanson qui s'appelle Hours of Insanity de Nightmare, et qui devait s'appeler Nova Atlantis, qui devait être le titre du troisième album. Et donc c'est pour ça que si vous écoutez Nova Atlantis et Hours of Insanity, il y a une vraie qu'à la fin, ça se ressemble un peu. Mais en fait, c'est un pur hasard. C'est un pur hasard. C'est vrai que quand tout le monde peut écouter d'ailleurs la chanson, on a tous été vraiment étonnés. Ouais. On avait cru qu'il y avait très peu de monde qui avait fait voir dans cette salle. Et que cette mélodie ressemblait, mais elle n'était pas exacte la même, mais en fait, pour répondre à ta question, c'est pas un concept album. Il y a une ligne directrice. Mais après, il y a des types qui parlent d'autres choses. On a toujours eu un petit faible pour les côtés mystiques, les côtés un peu mystérieux de l'humanité, etc. Parler de l'Atlantide était une logique. Et on a voulu explorer un petit peu ce qu'il y avait autour, sans non plus être exhaustif. Mais notamment la pierre philosophale de Rolling Stones. Oui, Soul. Oui, et puis Long Way to Valhalla qui fait allusion à mythologie. Le firme des Bermudes, je sais pas. C'est le Valhalla des attentes, quoi. Oui, voilà. Mais il y a plusieurs titres, en effet, qui parlent du sujet, qui traitent du sujet. Eh bien, on va arrêter là pour l'instant. Vous avez pu constater que c'était vraiment très bon enfant et j'ai passé vraiment un très très bon moment et visiblement les musiciens aussi. Donc vous aurez donc la suite la semaine prochaine. Eh bien maintenant, on va faire la deuxième nouveauté. Pour ça, je vais vous envoyer très très loin. On va voyager très très loin sans bouger de notre fauteuil puisqu'on va aller faire un tour aux Indes du côté de New Delhi, découvrir le troisième album de Bloodywood. Alors, Bloodywood, c'est un phénomène assez récent qui fait parler beaucoup de lui. Alors à l'origine, c'était un groupe qui s'amusait à de plus ou moins des parodies, à reprendre des chansons pop, rock, etc. en façon Bollywood justement. Et qui finalement s'est dit que ce serait peut-être bien de faire leurs propres morceaux. Et depuis, ça marche pas mal. Parce que ça donne des refrains, justement, qui sont chantés en hindi, en punjabi. Avec un petit peu cette sensibilité indienne, avec du néo-métal. Enfin bref, ça donne quelque chose d'assez original qui marche pas mal du tout. Ils étaient d'ailleurs en concert, je crois, au Bataclan il n'y a pas tellement longtemps. Et là, donc, leur nouvel album qui s'appelle New Delhi, N-U Delhi, un petit jeu de mots, donc est sorti fin mars. Et ben, le morceau que je vous invite à découvrir ce soir s'appelle À la bol, ce qu'on pourrait signifier par ben, ouvre ta gueule. Yeah. Symphony of Chaos, ben c'est le titre du dernier album des Suisses de Silver Dust, et puis c'était ben également le titre qu'on vient de s'écouter tout de suite. Avant Silver Dust, eh bien, on était aux Indes avec le nouvel album, leur troisième de Bloody Wood, New Delhi, avec le morceau Halabol, et c'était également la deuxième nouveauté d'Electric Shock pour ce soir. Ben maintenant, si vous voulez bien, on va se faire du pur heavy metal dans l'esprit des années 80, avec le premier album d'un jeune groupe rouennais, qui, bon, si vous êtes des fidèles des émissions, vous devez connaître, c'est le groupe Steel Razor qui a donc sorti son premier album Final Defiance. Et ce soir, on va écouter Born to Rock. Alors là, si vous avez trouvé de quoi il s'agit, vous êtes vraiment très très fort. C'était le groupe Harlequin. Oui, ils n'ont rien à voir avec les romans cucu pour vieilles dames. Harlequin, c'était un groupe mexicain qui a sévi entre la fin des années 80 et 1990 et qui n'a sorti qu'une seule démo en 89. Et c'est donc extrait de cette démo. Et vous avez eu droit au morceau En cara al espero. Et je m'excuse pour mon espagnol qui est plus que rouillé parce que depuis la troisième, ça commence à remonter depuis un sacré bout de temps. Donc, petit exclu pour ce soir. Juste avant, bah, plus près de chez nous, puisqu'ils sont de Rouen, c'était donc Steel Razor et son premier album Final Defiance, et c'était Born to Rock. Et bien maintenant, on va revenir au live de Candlemass, Tritonus Nights, où la légende du doom suédois donc, interprétait l'intégralité de ses deux premiers albums, les mythiques Epicus, Domicus, Metallicus, ainsi que Nightfall. Et bien c'est sur celui-ci qu'on va se tourner, avec un extrait, avec le fabuleux The Well of Souls. To myself, today the strong name of the Trinity. Yeah. Well of Souls, un classique de Candlemass, extrait donc du live Tritonus Nights. Eh bien, moi, je sais pas pour vous, mais je trouve que l'interprétation de Johan Lundqvist par rapport à celle de Messa Marcolin est quand même peut-être moins lyrique. Par contre, je la trouve nettement plus rageuse. Donc, c'était The Well of Souls, un classique de Candlemass. Ça, j'adore. Eh bien, on va se faire une nouveauté encore une, la troisième, avec un groupe qui s'appelle Lady Annabelle. Alors, Lady Annabelle, c'est un groupe qui existe déjà depuis 2018. Ils nous sont originaires du Var. Ils ont déjà sorti un EP et un album. Celui-ci est leur deuxième. Il s'appelle La Bionique. Alors, musicalement, c'est quoi? C'est du heavy meta, du heavy inspiré entre Iron Maiden, Halloween et Visions of Atlantis, avec des textes en français. Eh bien, si vous avez envie de découvrir tout de suite, on va s'écouter donc le morceau qui ouvrait l'album, c'est-à-dire Bête de cirque. Venu du sud de la France, c'était Lady Annabelle et son deuxième album, La Bionic. Et c'était également donc la troisième nouveauté de la soirée. Et vous allez donc écouter ce soir Bête de Cirque. Revenons maintenant à deux guitaristes chanteurs, dont un surtout est plutôt peut-être un peu frustré de par son rôle unique de guitariste, c'est-à-dire Adrian Smith, avec leur duo Smith-Cotzen, qui nous revient donc pour un deuxième album sorti déjà il y a quelques semaines. Donc tous les deux, surtout Adrian Smith, en dehors de son groupe respectif, et ben là il peut donner cours à son amour pour le rock blues 70s teinté de soul. Et ce deuxième album, comme le premier d'ailleurs, est très réussi. S'intitule Black Light, White Noise, et on va s'écouter le morceau Dark Side, où les deux guitares et les voix des deux se mêlent vraiment de façon subtile. Eh bien, on s'écoute ça tout de suite. Alors, ça aussi, j'ai été vous chercher ça dans les tréfonds de ma discothèque. Peu d'entre vous, j'imagine, auront reconnu ou reconnu le groupe Tanger. Alors, Tanger était un groupe... le morceau qu'on vient de se passer pour la petite histoire, c'est Mississippi. C'était extrait de Four Winds, leur deuxième album qui était sorti en 1989 chez Atlantic, quand même, excusez du peu, et produit par Andy Jones. Alors, pour la petite histoire, donc ce groupe a existé entre 84 et 90 et a sorti trois albums. C'était les potes de Cinderella qui, quand ils ont commencé à avoir eu du succès, a pu donc les faire signer donc chez la grosse boîte qu'était Atco. Malheureusement, si Cinderella a eu un court succès, mais quand même conséquent, Tanger n'a jamais réussi à percer. Pourtant, quand on écoute cet album, il y avait tout pour que ça marche à l'époque, mais bon, ça n'a pas été le cas. C'est comme ça, c'est malheureux. Ça, ce serait peut-être un truc sympa que le label Bad Reputation pourrait rééditer. Ça nous permettrait de redécouvrir, surtout que tous ces albums sont carrément introuvables maintenant. Voilà, ça c'était notre petite page d'histoire. Donc, Tanger, comme je vous disais, et juste à l'instant, beaucoup plus actuel puisque c'est sorti là au printemps dernier, l'association d'Adrian Smith et de Richie Kotzen. Et leur deuxième album, Black Light, White Noise, c'était donc Dark Side. Pareil aussi, groupe quelque peu oublié que du thrash metal maintenant, que je vous ai présenté la semaine dernière, c'était donc une des nouveautés. Quand on pense thrash des années 80, on pense évidemment Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax, on pense aussi à Exodus, Testament, rarement à Aizen. Il faut dire que le groupe, malgré sa très longue carrière, a eu quand même de longues phases d'inactivité, et sa discographie assez peu féconde a fait qu'aussi le groupe n'a jamais vraiment pu s'imposer. Et là on a eu donc un petit live sympa qui s'appelle Beat the World Live, qui est sorti il y a quelques semaines. Le seul reproche qu'on peut faire à ce live, c'est que il est trop court quand même, parce que même s'ils n'ont fait que 4 albums, il y avait matière à faire un live conséquent, et celui-ci, qui est plutôt basé sur leur dernier album qui était sorti en 2020, Empire of the Blind, ne fait que 40 minutes, malheureusement, voilà. Enfin, c'est pas grave, c'est peut-être court, mais c'est très bon, comme vous avez pu le constater, avec justement le morceau qui donne son titre au dernier album studio, c'est-à-dire Empire of the Blind. Dying Season et Empire of the Blind, donc deux extraits du live Bleed the World live de groupe Eason. Eh ouais, on approche de la fin d'Electric Shock. Et oui, je vous rappelle qu'Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, puisqu'il nous reste quoi? Allez, un quart d'heure, c'est vrai que le temps passe très très vite. On a encore quand même le temps de se faire encore une nouveauté, la quatrième de la soirée. Eh ben, je vais vous inviter à découvrir un groupe qui nous vient du Canada, qui s'appelle Burning the Oppressor. Alors, Burning the Oppressor, c'est un groupe canadien de groove et de death metal, qui est originaire de Montréal, qui existe depuis 2012, et là, qui viennent donc de sortir leur cinquième album, mi-avril, donc qui s'appelle Waking the Nightmare. Alors, le groupe a quand même fait pas mal de concerts, et il a quand même partagé la scène avec des groupes tels que Mass Hysteria, Napalm Death, Suffocation, Cataclysm, Beyond Question, Make Them Suffer, The Black Dahlia Murder, enfin bref, il est vraiment dans tous les genres. Eh bien, je vous invite à découvrir cet album avec le morceau Animal, une petite douceur. When Reasons Collapse avec Man Will Be the End of Man, et ben c'était également le titre de l'album. Et juste avant When Reasons Collapse, petit tour au Canada avec la dernière nouveauté de la soirée, leur nouvel album de Burning the Oppressor, leur cinquième Waking Nightmare, et on s'est écouté Animal ce soir. Et ben on va se terminer, on a le temps de se passer un dernier titre, on va se faire un peu de black metal venu de Suisse avec le groupe Versatile, et on va se faire un petit extrait donc du dernier album Les Litanies du Vide, et on va terminer avec la Régente Blême. Voilà, on termine Electric Shock ce soir tout en douceur avec la Régente Blême donc de Versatile, qui est donc le dernier morceau de ce soir. Bon, la musique continue sur Radio Arc-en-Ciel, bien sûr. Ami Nightclubbers, place à Electro Live. Je ne sais pas ce que l'ami Christophe nous a préparé ce soir, mais on va voir ça tout de suite avec lui. Salut. Salut, bonsoir à toutes et à tous. qu'as-tu à proposer donc? La house. Un set house. On va commencer par. Par je ne sais plus quoi. Ouais, il était tard quand j'ai fait ma playlist. Hier soir. Fatigué, je vois. Ouais, c'est ça. On va finir par de la house plus planante, mais. On a un tas de nouveaux titres que j'ai pas encore joué ici. Ouais. Surtout en début de soirée. Enfin, en début de set. Voilà, et eh bien vous savez ce qu'il vous reste à faire, amis Nightclubbers, c'est-à-dire c'est de rester branché sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et Electro Live, ça commence tout de suite maintenant en compagnie de Christophe. Yes. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.